des heures. Te regarder t'apprendre par cœur. Je voudrais rester là des heures. Savourer chaque instant de bonheur. Je garde ton sourire dans chacun de mes souvenirs. Ces mots que tu sais dire enivrent mon corps de désir. Je pourrais rester là des heures. Te regarder, te savoir par cœur. Je voudrais partager ces heures. Tout près de toi et nulle part ailleurs. Je garde en souvenir ces moments qui me font frémir. Je veux t'appartenir du fois sans fois, je veux te dire. Plus rien ne me fait peur. Je pourrais rester là des heures. Tout près de toi et nulle part.